L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmé et David Zen-Merowitz. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Huitième épisode. Toute la question, encore une fois, est de tuer le temps. J'ai souvent revu le juge d'instruction. Seulement, j'étais accompagné de mon avocat à chaque fois. On se bornait à me faire préciser certains points de mes déclarations précédentes, ou bien le juge discutait les charges avec mon avocat. Mais en vérité, il ne s'occupait jamais de moi à ces moments. Mon affaire suivait son cours, selon l'expression même du juge. Quelquefois aussi, quand la conversation était d'ordre général, on m'y mêlait. Je commençais à respirer. Je savais qu'avec la montée des premières chaleurs, surviendrait quelque chose de nouveau pour moi. À 7h30 du matin, on est venu me chercher pour me conduire au palais de justice. Cigarette ? Non. Vous avez le trac ? Non, au contraire. Ça m'intéresse de voir un procès. J'en ai jamais eu l'occasion dans ma vie. Tout un remue-ménage qui me fait penser à ces fêtes de quartier où, après le concert, on range la salle pour pouvoir danser. La salle est pleine à craquer. Malgré les stores, le soleil s'infiltre par endroits et l'air est déjà étouffant. On a laissé les vitres closes. J'aperçois une rangée de visages devant moi. Je comprends que ce sont les jurés. Je ne peux pas dire ce qui les distingue les uns des autres. Je n'ai qu'une impression. Je suis devant une banquette de tramway et tous ces voyageurs anonymes épient le nouvel arrivant pour en apercevoir les ridicules. Je sais bien que c'est une idée niaise, puisqu'ici, ce n'est pas le ridicule qu'ils cherchent, mais le crime. Cependant, la différence n'est pas grande. Je suis un peu étourdi par tout ce monde. Dans cette salle close, je regarde encore le prétoire et je ne distingue aucun visage. Que de monde, hein ? C'est à cause des journaux. Les voilà. Qui ? Les journaux. J'ai le sentiment d'être dans un club où l'on est heureux de se retrouver entre gens du même monde. J'ai aussi la bizarre impression d'être de trop, un peu comme un intrus. À ma gauche, je vois un grand homme mince, vêtu de rouge, portant lorgnon, qui s'assoit en pliant sa robe avec soin. C'est le procureur. Messieurs, mesdames, la cour. Trois juges. Deux en noir. Le troisième en rouge entre avec des dossiers et marche très vite vers la tribune qui domine la salle. Les journalistes tiennent déjà leur stylo en main. Ils ont tous le même air indifférent et un peu narquois. Le juge, en robe rouge, s'assoit sur le fauteuil du milieu, pose sa toque devant lui, essuie son petit crâne chauve avec un mouchoir et déclare : L'audience est ouverte. Je ne connais pas les usages du lieu. Je comprends pas très bien ce qui se passe. Le tirage au sort des jurés, les questions posées par le président à l'avocat, au procureur et au jury. Une lecture rapide de l'acte d'accusation, je reconnais des noms de lieux et de personnes. Je ne me rends pas compte tout de suite que tout le monde se presse pour me voir. D'habitude, les gens ne s'occupent pas de ma personne. Il me faut un effort pour comprendre que je suis la cause de toute cette agitation. Nom, prénom. Meursault. Adresse. Rue de Lyon, Alger. Profession. À l'administration du port. Malgré mon agacement, de devoir encore décliner mon identité. Je pense qu'au fond, c'est assez naturel. Parce qu'il serait trop grave de juger un homme pour un autre. La chaleur monte. Le président fait un signe et l'huissier apporte 3 éventails de paille tressés que les 3 juges utilisent immédiatement. Puis le président recommence le récit de ce que j'ai fait en s'adressant à moi, toutes les 3 phrases. Est-ce bien cela ? Oui, monsieur le président. Mon avocat m'a conseillé de répondre brièvement aux questions qu'on m'opposerait, de ne pas prendre d'initiative et de me reposer sur lui pour le reste. Pourquoi avoir mis votre mère à l'asile ? Je manquais d'argent pour la faire garder et soigner. Cela vous a-t-il coûté personnellement ? Oh, ni maman ni moi n'attendions plus rien l'un de l'autre, ni d'ailleurs de personne. Nous étions habitués tous les deux à nos vies nouvelles. Je n'insisterai pas sur ce point. Maintenant, j'aimerais savoir si vous êtes retourné vers la source tout seul avec l'intention de tuer l'arabe. Non. Alors pourquoi étiez-vous armé ? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément ? C'est le hasard. Ce sera tout pour le moment. L'audience est levée et renvoyée à l'après-midi pour l'audition des témoins. Je n'ai pas le temps de réfléchir. On m'emmène, me fait monter dans la voiture cellulaire et on me conduit à la prison où je mange. Au bout de très peu de temps, juste assez pour me rendre compte que je suis fatigué, on revient me chercher et tout recommence. Et je me trouve dans la même salle, devant les mêmes visages. Seulement, la chaleur est beaucoup plus forte. Et comme par miracle, chacun des jurés, le procureur, mon avocat et quelques journalistes, sont munis aussi d'éventails de paille. J'espère que tout ira bien pour vous. Une jeune journaliste s'adresse à moi en souriant. Vous savez, nous avons monté un peu votre affaire. L'été, c'est la saison creuse pour les journaux. Et avec votre histoire et celle d'un parricide qui vaille quelque chose. Ensuite, elle me montre, dans le groupe de journalistes, un petit homme qui ressemble à une belette engraissée, avec d'énormes lunettes, cerclées de noir. C'est l'envoyé spécial d'un journal de Paris. Il n'est pas venu pour vous, d'ailleurs. Mais comme il est chargé de rendre compte du procès du parricide, on lui a demandé de câbler votre affaire en même temps. Je faillis la remercier, mais je pense que ce serait ridicule. Elle me fait un petit signe cordial de la main et elle me quitte. Nous attendons encore quelques minutes. J'ai l'impression bizarre d'être regardé par moi-même. J'essuie la sueur qui couvre mon visage et je reprends un peu conscience du lieu lorsque le directeur de l'asile est appelé. Madame Meursault se plaignait-elle de son fils ? Oui, mais c'est la maladie de tous mes pensionnaires de se plaindre de leurs proches. Mais veuillez préciser si Madame Meursault reprochait à son fils de l'avoir mise à l'asile. Oui. J'ai été surpris par son calme le jour de l'enterrement de sa maman. Qu'entendez-vous par calme ? Il n'a pas voulu voir sa maman. Il n'a pas pleuré une seule fois. Il est parti aussitôt après l'enterrement sans se recueillir sur sa tombe. Et une chose encore m'avait surpris. Un employé des pompes funèbres m'a dit que M. Meursault ne savait pas l'âge de sa maman. Ça tape. Comment ? Ça tape. Oui. C'est votre mère qui est là ? Oui. Elle était vieille. Comme ça. Et il n'a pas voulu voir sa mère. Il a fumé. Il a dormi. Il a pris du café au lait. Vous voulez bien répéter ? Il n'a pas voulu voir sa mère, il a fumé, il a dormi, il a bien accepté le café au lait que je lui ai proposé. Je sais bien aussi que j'ai eu tort de refuser la cigarette que M. Meursault m'a offerte. Les jurés apprécieront, et ils concluront qu'un étranger pouvait proposer du café, mais qu'un fils devait le refuser devant le corps qui lui avait donné le jour. Pour la première fois depuis bien des années, j'ai une envie stupide de pleurer parce que je sens combien je suis détesté par tous ces gens-là. Je sens aussi quelque chose qui soulève toute la salle. Et pour la première fois, je comprends que je suis coupable. Quand vient le tour de Thomas Pérez, le fiancé de maman, un huissier doit le soutenir jusqu'à la barre. J'ai surtout connu sa mère. Et je n'ai vu M. Meursault qu'une fois, le jour de l'enterrement. Qu'est-ce que l'accusé a fait ce jour-là? Ah, vous comprenez, moi-même, j'avais trop de peine, alors j'ai rien vu. Et c'était la peine qui m'empêchait de voir, parce que c'était pour moi une très grosse peine. Et même, je me suis évanoui, alors j'ai pas pu voir monsieur. Est-ce que vous l'avez vu pleurer, du moins? Ah non. Messieurs les jurés apprécieront. Monsieur Pérez, avez-vous vu que monsieur Meursault ne pleurait pas? Non. Voilà l'image de ce procès. Tout est vrai et rien n'est vrai. Comment connaissez-vous l'accusé? J'ai été dactylo à l'administration du port. Quel rapport aviez-vous avec lui? Je suis son amie. Marie porte un chapeau. Et elle est encore belle. Mais je l'aime mieux avec ses cheveux libres. De l'endroit où je suis, je devine le poil léger de ses seins. Et je reconnais sa lèvre inférieure, toujours un peu gonflée. Elle semble très nerveuse. Est-ce exact que vous deviez vous marier? Tu veux te marier avec moi? Ça m'est égal, mais si tu le veux, nous pouvons nous marier. Je voudrais savoir si tu m'aimes. Mais ça ne signifie rien. Mais sans doute je ne t'aime pas. Pourquoi m'épouser alors? Mais c'est toi qui le demandes. Et moi, je me contente de dire oui. Mariage, c'est une chose grave? Non. Est-ce que tu aurais accepté la même proposition venant d'une autre femme? Naturellement. Je me demande si je t'aime. T'es bizarre. Je t'aime sans doute à cause de ça. Et peut-être qu'un jour tu me dégoûteras pour les mêmes raisons. Est-ce exact que le début de votre liaison date du lendemain de la mort de Madame Meursault? Oui. Je ne voudrais pas insister sur une situation délicate et je comprends bien vos scrupules, mais mon devoir me commande de m'élever au-dessus des convenances. Résumez-nous donc cette journée où l'accusé vous a connu. Je ne veux pas parler de cela. C'est votre devoir de témoin, mademoiselle. On est allé se baigner, puis le soir au cinéma. Quel film? Un Fernandel. Et après? On est rentré chez lui. Messieurs les jurés, le lendemain de la mort de sa mère, cet homme prenait des bains, commençait une liaison irrégulière et allait rire devant un film comique. Je n'ai rien de plus à vous dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous m'avez forcé à dire le contraire de ce que je pense. Je le connais bien, il n'a rien fait de mal. L'huissier, sur un signe du président, emmène Marie et l'audience se poursuit. On écoute maintenant le vieux Salamano qui rappelle que j'ai été bon pour son chien. Et que je n'avais plus rien à dire à maman, et que je l'avais mise pour cette raison à l'asile. Il dit... Hein. Hey, il faut comprendre. Hein. Mais personne ne paraît comprendre. Monsieur Meursault est innocent. Je ne vous demande pas des appréciations, mais des faits. Quelles étaient vos relations avec la victime? Il me haïssait depuis que j'avais giflé sa sœur. La victime avait-elle une raison de haïr l'accusé? La présence de Meursault à la plage est le résultat d'un hasard. Comment se fait-il que la lettre qui est à l'origine du drame a été écrite par l'accusé? Le hasard. Le hasard a déjà beaucoup de méfaits sur la conscience dans cette histoire. De notoriété générale, le témoin exerce le métier de souteneur. Il est l'ami et le complice de l'accusé. Il s'agit d'un drame crapuleux de la plus basse espèce, aggravé du fait qu'on a affaire à un monstre moral. Le même homme qui, au lendemain de la mort de sa mère, se livrait à la débauche la plus honteuse, a tué pour des raisons futiles et pour liquider une affaire de mœurs inqualifiable. Enfin, mon client est-il accusé d'avoir enterré sa mère ou d'avoir tué un homme? Oui, messieurs. Oui, messieurs, j'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel. Cette déclaration paraît faire un effet considérable sur le public. Mon avocat hausse les épaules et essuie la sueur qui couvre son front, mais lui-même paraît ébranlé. Et je comprends que les choses ne vont pas bien pour moi. Je retrouve un à un, comme du fond de ma fatigue, tous les bruits familiers d'une ville que j'aimais, et d'une certaine heure où il m'arrivait de me sentir content. Le cri des vendeurs de journaux, dans l'air déjà détendu, les derniers oiseaux dans le square, l'appel des marchands de sandwich, et cette rumeur du ciel, avant que la nuit bascule sur le port. Tout cela recompose pour moi un itinéraire d'aveugle que je connaissais bien avant d'entrer en prison. Oui, c'était l'heure où il y avait bien longtemps, je me sentais content. Ce qui m'attendait alors, c'était toujours un sommeil léger, sans rêve. Et pourtant, quelque chose est changé puisque, avec l'attente du lendemain, c'est ma cellule que je retrouve. Comme si les chemins familiers, tracés dans les ciels d'été, pouvaient mener aussi bien aux prisons qu'aux sommeils innocents. L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmé et David Zen Merowitz. Huitième épisode, avec Jean-Michel Dupuis, Meursault, Philippe Ourier, le président de la cour, Philippe Magnan, le procureur, Guillaume de Tonquédec, l'avocat, Jean-Claude Leguet, Raymond Saintès, Daniel Lalou, Salamano, Jean-Christophe Clément, l'huissier, Carole Franck, la journaliste, Michel Robin, le directeur de l'asile, Jean-Jacques Chollet, l'employé des pompes funèbres, Paul Bisiglia, le concierge, Paul Riégère, Thomas Pérez, Constance Dolé, Marie, Grégory Gadebois, le gendarme. Et Patrick Kaplan, Charles Marozzi, Benjamin Ling, Loïc Blanco, Raphaël Ferré, Bastien Morin, Guillaume Clessen, Barbara Chavy, Daniel Rézy, Nathalie Lacroix, Julie Monet, Rachel Geiss, Vanessa Lapierre. Musique originale et contrebasse, Hélène Labarrière. Prise de son au Maroc, Nicole Marmé. Bruitage, Bertrand Allière. Prise de son, montage, mixage, Marie-Dominique Bougot, Marie-Thérèse Ferrand. Assistante, Anne de Belchin. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.